aujourd'hui dans l'affaire sensible, road trip en enfer sur la Costa Brava. Le 21 mai 2015, un riche rentier kidnappé par 5 malfrats dans l'agglomération de Toulouse. Nous l'appellerons Michel B. Trimballé de voiture, en camping-car, dans plusieurs appartements et sous les palmiers de la côte est de l'Espagne, Michel B., la cinquantaine, va vivre 7 semaines d'horreur, réversé à ses geôliers et des voyous à l'ancienne, au passé judiciaire entaché de nombreux crimes, plus d'un 1,5 million d'euros. Un enlèvement d'homme d'affaires, qui rappelle celui du baron en pain à Paris en 1975, séquestré pendant 63 jours, sauf qu'ici, et c'est inédit, c'est la victime elle-même qui finance sa libération. Chez les proches de Michel, personne ne se doute de rien. Il faut dire que le rentier leur envoie des messages, besoin de prendre l'air, et leur écrit-il. Enfin, il les rassure, contraint évidemment par un fusil sur la tempe. La victime est sous l'emprise de ces malfaiteurs chevronnés et continuera, même après sa libération, à leur virer des centaines de milliers d'euros sans porter plainte. Notre invité aujourd'hui est Jean Coadon, journaliste police-justice à Toulouse pour le quotidien régional La Dépêche du Midi. Il a suivi pas à pas cette affaire qui s'est soldée par un procès de 15 jours devant les assises de Bordeaux en juin dernier. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. Connaissez-vous Carmaux, la ville de Jean Jaurès? Hélas, du grand homme, il ne reste qu'une statue blanche sur un piédestal, aujourd'hui tristement encerclé de voitures. Quelques platanes agrémentent ça et là, cette place devenue tout de même parking. Ce matin du 19 mai 2015, le calme de Carmaux est interrompu par des coups de feu et une course-poursuite digne d'un film de gangster. Mais d'abord, ce braquage qui a eu lieu ce matin à Carmaux dans le Tarn, c'est une armurerie qui a été attaquée par deux hommes qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. Un policier a été blessé. Les malfaiteurs ont pris la fuite, d'autant plus recherchés qu'ils se sont enfuis avec l'arme du policier qu'ils ont blessé. Une école voisine a été évacuée. Place Jean Jaurès. Deux hommes viennent d'entrer dans la petite armurerie à la devanture vert kaki, baptisée Carmaux Loisirs et Passion. Le duo se précipite vers le comptoir et demande un fusil de chasse. L'armurier lui en présente. Les deux malfaiteurs l'agressent. Le commerçant parvient à se défendre avec quelques jets de lacrymo, mais les assaillants parviennent à dérober une arme. Pendant leur fuite, les deux braqueurs croisent deux policiers devant l'école primaire de Carmaux. Dans un échange de coups de feu, l'un des deux malfaiteurs se rue sur le véhicule des forces de l'ordre, parvient à y entrer et pointe son arme sur la nuque de la policière tétanisée. Il lui vole son arme et tire dans la cuisse de l'autre agent de police. Les deux agresseurs s'emparent d'une voiture un peu plus loin et prennent la fuite. Ce qui s'apparente à un braquage finement orchestré est en fait le départ d'un voyage des plus sordides, mené par 5 malfrats, un road trip crapuleux qui durera 53 jours. Leur cible, un riche propriétaire de terrain des alentours de Toulouse, Michel B., qui, ce 19 mai 2015, ne se doute encore de rien. Mais pourquoi lui ? Le 21 mai, Michel B. se prépare pour son rendez-vous dans la banlieue de Toulouse. Après avoir hérité de nombreux terrains dans le secteur de la Ville Rose, ce rentier a fait fortune grâce à l'urbanisation de l'agglomération toulousaine. En couple depuis 11 ans, il vit seul et s'est construit un petit empire sans s'en vanter pour autant. Seul signe ostentatoire de richesse, sa BMW X3. Quelques jours plus tôt, un potentiel client l'a appelé chez lui, affirmant qu'il était intéressé par quelques-uns de ses terrains. Au téléphone, l'acheteur presse Michel. Il lui explique qu'il est atteint d'un cancer, qu'il n'en a plus pour longtemps, qu'il veut régler sa succession et que ses filles ont fait leur choix. Bref, il faut aller vite, très vite. D'abord fixé au 14 mai, le rendez-vous est repoussé à 2 reprises. Curieusement, son interlocuteur au téléphone ne lui propose pas de le retrouver sur les terrains en vente, mais chez lui, avec ses filles, à Vremille-Lafage, 15 km de Toulouse. Sur place, Michel aperçoit derrière la vitre de son 4x4 un homme, le visage dissimulé derrière une écharpe et un chapeau, qui lui fait signe devant une grande ferme. Le rentier toulousain est invité à entrer dans une pièce sombre. Quand deux hommes lui sautent dessus, le ligotent et l'emmènent dans le garage d'un pavillon. La suite, il la raconte à Jean Coadon, journaliste pour La Dépêche, dans un entretien exclusif 3 mois après sa libération en septembre 2015. Avez-vous vu quelque chose ? Rien. Je me suis retrouvé assis sur un tabouret. Ils m'ont fait les poches, pris mon téléphone, mes papiers, ma sacoche. Ont-ils été violents ? Non. Ferme, dur. Pas une conversation amicale, des ordres. J'ai senti un fusil. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Ils m'ont mis un masque sur la tête et m'ont jeté dans le coffre d'une voiture. Pour aller où ? Je l'ignore, mais autour de Toulouse. On a dû rouler 20 ou 30 minutes. Je me suis retrouvé dans un garage, toujours sur un tabouret, les yeux bandés. Dans quel état d'esprit vous trouviez-vous ? Je me demandais ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas, je ne résistais pas. Quand vous sentez une arme sur votre visage, cela ne favorise pas l'opposition. Le lendemain, ligoté dans le coffre d'un véhicule utilitaire dont l'odeur persistante le hantera longtemps, ses ravisseurs emmènent Michel chez lui et lui ôtent le bandeau qui lui cachait les yeux. Oui, chez lui, dans sa propriété d'Escalins-Quins. Son téléphone portable ne cesse de sonner, ses proches s'inquiètent. Pourtant prévenant, Michel ne s'est pas présenté au déjeuner prévu avec son ami et sa compagne. Alors les truands, le visage caché, le forcent à passer des coups de fil pour rassurer son entourage. Une soudaine envie changeait d'air, leur explique-t-il, sous la contrainte. Et puis l'interrogatoire commence, comme Michel le raconte. Qu'est-ce qui les intéressait ? Ma vie, mes amis, mes proches, mes activités professionnelles. Pendant des heures, je devais détailler et les questions revenaient encore et encore. Le début d'un véritable lavage de cerveau. Au fil des 7 semaines, ils savaient tout de moi. D'abord, nous sommes allés chez moi, très tôt le matin. Ils m'ont fait ouvrir et une fois certain qu'il n'y avait personne, ils ont tout fouillé, tout pris. De l'argent ? Non. Mes ordinateurs, mes dossiers, des vêtements, mes clés. J'ai dû ouvrir un coffre où j'avais mes dossiers, un autre où j'avais des armes que les gendarmes ont retrouvées. On est repassé par le garage où j'avais été gardé, puis on est parti en Espagne. 2 jours après son enlèvement, le 24 mai, le macabre cortège traverse la frontière. Toujours ligoté, Michel est trimballé à nouveau dans le coffre d'une voiture, direction l'Espagne et sa Costa Brava ensoleillée. Le discours des tortionnaires, toujours le visage couvert, est pensé, précis, préparé à l'avance. Ainsi, Michel n'est pas tout de suite question d'argent. Les voyous se présentent à leurs victimes comme un groupe d'élite contre le terrorisme doté d'un permis de tuer, d'où leur visage couvert. Et Michel ferait partie d'une cellule terroriste et aurait financé les opérations du djihad. Le 7 juin, à Rosas, au milieu de cette station touristique bétonnée, ces tortionnaires, dont il ne verra jamais le visage, le séquestre dans sa propre résidence secondaire pendant 1 semaine, attaché au lit ou au radiateur. L'appartement de vacances se transforme en enfer pour Michel, enfermé dans sa chambre, toujours accusé de plusieurs assassinats islamistes qu'il aurait cautionnés. Affaibli, le rentier pense à un quiproquo, mais le processus d'emprise mentale orchestré par les bandits est en marche. Il l'oblige à rédiger son testament et une lettre d'adieu à sa compagne. Après 1 semaine de rétention, mi-juin, nouveau départ à 1h30 de route au sud, dans une autre maison. Et celle-là, il ne la connaît pas. Les malfrats commencent à aborder le sujet central, l'argent. La victime, sous leur emprise, est enfin conditionnée. Il lui explique que les vérifications menées par leur unité antiterroriste ne donnent rien, mais qu'elles ont engendré des coûts de 2 millions d'euros. Et c'est Michel qui doit passer à la caisse, évidemment. Le 23 juin, ils lui font acheter un camping-car en Lettonie pour la somme de 39 800 euros. Pourquoi un virement dans ce pays d'Europe de l'Est ? Pourquoi un camping-car ? Mystère. Convoyé sur la route du soleil, enfermé dans la cabine des toilettes, profondément affaibli, la victime ne peut que céder. Et le road trip reprend. Comme dans un mauvais film, chacun des gangsters joue un rôle, un gentil et 2 méchants, décrira plus tard Michel lors du procès. Quelques mois après sa libération, il raconte dans La Dépêche les balbutiements de son syndrome de Stockholm. Dans la 3e cachette, après le transport en camping-car bloqué dans les toilettes, ils ont arrêté de m'attacher toute la journée. À la fin, j'ai même eu droit à une télévision et à un ventilateur. Parmi eux, j'avais identifié un gentil et deux méchants. Est-ce qu'ils jouaient un rôle ? Le gentil me disait de ne pas m'inquiéter, mais de rester prudent, qu'il fallait que je paye, qu'autrement les deux autres voulaient me tuer. J'ai imaginé toutes les façons de recevoir la mort, tous les scénarios. Encore aujourd'hui, quand je croise quelqu'un dans la rue, s'il met la main dans sa poche, je tremble. En 7 semaines, j'ai joué 2 fois aux échecs avec un de mes ravisseurs. Une fois, je gagnais. Je n'osais pas finir. J'avais peur de sa réaction, peur que, vexé, il s'emporte et m'élimine. Et pendant ces parties de jeu, le quinquagénaire toulousain est contraint de fixer son regard sur l'échiquier. Obligé d'enfiler une cagoule opaque quand un ravisseur entre dans la pièce, l'emprise sur sa vie est totale. Tout est minuté, contrôlé. Sa captivité est rythmée par 15 minutes de gymnastique par jour. Il n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant de longues heures. Les geôliers ont pris le soin de mettre des chaussettes aux endroits où il est enchaîné pour ne pas laisser de traces sur sa peau. Et toujours ces interrogatoires hallucinants et tellement longs. Complètement hors du temps, quand l'un de ses gardiens lui sert des crevettes, Michel est aux anges, mais il croit qu'il s'agit de son dernier repas de condamné à mort. Un autre bourreau échange avec lui sur les impôts auxquels il est astreint compte tenu de sa fortune, et d'une empathie perverse lui lâcha. Ah quand même, ils abusent. Puisque les truands ne demandent pas à sa famille de verser de l'argent en guise de rançon, Michel est donc le seul à pouvoir se sortir de ce piège infernal. Il est l'artisan de sa propre libération. 57 jours de rapt sans qu'aucun des proches de Michel ne soit alerté. L'histoire paraît invraisemblable. Chaque soir, la victime a accès à son mobile et son ordinateur pour gérer ses affaires et dans sa propriété toulousaine, on relève son courrier. Sa compagne s'étonne d'ailleurs de recevoir des messages très tard par rapport aux siens. La raison évoquée par Michel, il ne peut pas trop parler car il a la brigade financière sur le dos et puis il est sur écoute. Quand on est braqué par une arme, on sait être convaincant dans le mensonge. Une question de survie, en l'occurrence. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. So pretty west of. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Sous le soleil de l'été 2015, en bord de Méditerranée, les cinq ravisseurs au visage caché vivent comme des pachas avec l'argent de leurs victimes. Michel leur a ouvert un compte à l'île Maurice depuis Malaga et a versé 100 000 euros. Les bandits se pavanent avec deux motos achetées là aussi avec l'argent du rentier toulousain. Pour compléter le tableau, il s'offre des lingots d'or d'une valeur d'1 200 000 euros achetés avec la validation de Michel, toujours menacé du fusil. Quand on lui retire son bandeau, il aperçoit un jour l'un de ses ravisseurs, perruque vissée sur la tête, moustache factice sous le nez pour ne pas être reconnu par la victime, les pieds sur la table, lisant tranquillement le journal pendant que pièces et lingots s'empilent. Chaque matin, depuis la villa de Malaga, où les ravisseurs se sont installés depuis le 23 juin, l'un d'eux déambule à vélo dans le quartier, équipé d'une mini-caméra planquée derrière ses lunettes de soleil pour relever les plaques d'immatriculation et s'assurer qu'aucun policier ne surveille. Du reste, les malfaiteurs n'ont pas vraiment de quoi s'inquiéter. De l'autre côté des Pyrénées, la police se penche toujours sur le braquage de l'armurerie survenue à Carmo le 19 mai, ne fait aucun lien avec la disparition de Michel. Bref, sa longue absence n'alerte personne. Le 1er juin, pourtant, un certain Alain Raspeau, ex-braqueur dans le sud-ouest de la France et qui a purgé sa longue peine de prison, est interpellé sur l'autoroute entre l'Espagne et Toulouse. Il est soupçonné d'avoir participé au braquage de l'armurerie du Tarn. Quand l'ancien criminel vide ses poches au commissariat, la police retrouve les clés de l'un des logements de Michel et les cartes de crédit du rentier toulousain. Pourtant, Raspeau sort libre, oui, libre, après 36 heures de garde à vue. Étrange étourderie des forces de l'ordre. Le 12 juillet, après 7 semaines de road trip, les 5 ravisseurs décident de libérer Michel. À sa sortie du camping-car, qui lui servait de prison, l'un de ses bourreaux, qui semble être la tête pensante du guet-apens et qui s'est fait appeler John, lance à Michel. Tu sais que t'as de la chance. Ah oui, t'as de la chance de t'en sortir. Ce à quoi la victime répond « Merci ». Comment s'est passée votre libération ? Quand ils ont récupéré l'or, j'ai senti un changement. Ils m'ont poussé à reprendre contact avec mon ami. Ils m'ont donné des consignes précises, une feuille de route, une de mes cartes bancaires. L'un d'eux m'a expliqué « Tu vas reprendre le cours de ta vie ». Ces 7 semaines ne resteront qu'une parenthèse, une expérience. J'y pense aujourd'hui, je trouve cela surréaliste. Ils m'ont installé dans le camping-car et on a roulé. Ils se sont garés, m'ont donné un téléphone pour me surveiller, m'ont-ils dit, et ils m'ont demandé d'attendre 15 minutes. Qu'avez-vous fait ? J'ai attendu, patiemment. Puis, je suis sorti. Simplement respirer, voir le ciel sans eux dans mon dos pour me donner des ordres. Ma voiture était là. Je suis monté à bord, j'ai pris le volant et j'ai roulé. Enfin libre ? Pas vraiment. Ils avaient acheté 2 motos avec mon argent. J'avais peur qu'ils me rattrapent, m'exécutent. Je suis parti de Marbella. Je roulais vite, cap au nord. Le simple fait de m'arrêter, de faire un plein d'essence, d'acheter un sandwich, quel bonheur! Je n'osais pas retourner voir mon ami. J'ai fini par l'appeler. Lui avez-vous parlé? Sûrement pas. Parler, c'était mourir. Avant de me libérer, leurs ordres étaient stricts. Si tu parles, toi ou un de tes proches sera tué. Mais la séquestration ne s'arrête pas là. Michel est toujours en détention, dans une prison mentale cette fois. Car les gangsters chevronnés lui ont donné des instructions précises et un échéancier des paiements futurs. En tout, Michel devra leur verser 2 millions d'euros supplémentaires. Sinon, la mort. Une variante de la bourse ou la vie. Pendant plusieurs jours, Michel a peur. Il se sent épié, surveillé. La bande a sûrement des complices dans la région toulousaine. Alors il se tait. Au tout début du mois d'août 2015, le banquier de Michel a l'air dubitatif devant son écran d'ordinateur. Les va-et-vient financiers de son client l'étonnent. Des achats de plusieurs centaines de milliers d'euros, des placements à l'étranger, cela ne ressemble en rien à la vie calme de son client. Alors, il lance un signalement auprès des gendarmes, qui débouche sur un ordre de vérification du parquet. En parallèle, TRACFIN, l'organisme gouvernemental chargé de la lutte contre la fraude financière, se fend lui aussi d'une alerte. Interrogé par la police, Michel se noie dans son mutisme. Paralysé par la peur et toujours sous l'emprise de ses ex-ravisseurs, il ne les dénonce pas, non, et il ne porte pas plainte. Il continue même à faire des virements à ses agresseurs qui se la coulent douce sous les palmiers de la Costa Brava. Un premier de 100 000 euros, un second de 495 000. Ce n'est que fin août que Michel se décide à porter plainte sous la pression de sa compagne, parvenue à le convaincre de dénoncer ses bourreaux. Depuis le braquage de Carmaux du 21 mai 2015, les enquêteurs des services régionaux de la police judiciaire de Toulouse travaillent sur les images vidéosurveillance de l'armurerie Loisirs et Passions. Ils parviennent d'abord à identifier l'un des braqueurs, François Desclines. Ce Nîmois d'une quarantaine d'années a été condamné à perpétuité après deux vols à main armée qui ont fait deux morts. Il est sorti de la centrale de Clairvaux en 2013. L'identification du second braqueur prend plus de temps, mais la PJ arrive sur la piste d'un certain Jean-Pierre Jourda, lui aussi habitué des tribunaux. Comme d'habitude dans les enquêtes, la police demande un coup de main à l'administration pénitentiaire qui affirme que Desclines communiquait beaucoup avec un autre gangster incarcéré dans une autre prison, un casseur de flics, un certain Alain Raspeau. De son côté, l'enquête sur les mouvements des comptes bancaires de Michel avance. Avec les traces ADN laissées par inattention et les images de vidéosurveillance du braquage, les deux unités d'enquêteurs comprennent vite qu'elles travaillent sur les mêmes cibles et qu'elles croisent leurs informations. Alors, le puzzle commence à se reconstituer et une traque, vraie course contre la montre, est lancée. Dès qu'il est Jourdan, on se met de l'ADN un peu partout, tout au long du road trip crapuleux. L'un dans la fameuse BMW X3 de Michel, l'autre sur un dossier estampillé camping-car, le troisième sur les factures de moto. Pas précautionneuse pour un sou, l'élite de la voyoucratie. La vendeuse Rosas, la station balnéaire ibérique, reconnaît Raspeau comme l'acheteur du camping-car. Et la tenancière du camping d'Estrona a toujours en tête la carte d'identité de François Desclines. Le trio de malfaiteurs est placé sur écoute. Quand les enquêteurs passent à Michel une série d'enregistrements, la victime les oriente vers un quatrième suspect à l'accent alsacien coupé au couteau, André Hitz, alias Dédé, 53 ans, 14 condamnations pour vol au compteur. Plus tard, ce sera Thierry Faure, 49 ans, qui sera identifié. Lui avait écopé de 20 ans de prison pour l'assassinat d'un complice maquillé en accident de roulette russe. Cinq malfaiteurs qui se sont rencontrés derrière les barreaux, tous ont du sang sur les mains. Heureusement que Michel ne le savait pas quand il était entre leurs griffes. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2015, une opération d'envergure est menée par la police espagnole et la gendarmerie française. Des centaines de pièces de monnaie et des lingots d'or, 90 000 euros en tout, et un important matériel informatique. Voilà une partie du butin que les détenus ont récolté. Dans leur domicile à Marbella, la police a également trouvé le fusil de chasse dérobé dans une armurerie dans le sud de la France. Les quatre délinquants détenus à Marbella et l'autre à Toulouse sont très dangereux et ont des antécédents pénaux. Tout s'est passé en prison. Leurs connaissances en la matière, les moyens qu'ils ont utilisés nous prouvent qu'il ne s'agit pas d'amateurs. Marbella, tout au sud de l'Espagne, est une station balnéaire connue pour abriter quelques stars déchues de la pègre Made in France qui cherchent un peu de tranquillité estivale à l'abri des renseignements. À 4h du matin, la police espagnole, les Sequestros de Madrid, fait sauter les portes d'un appartement. Elle y découvre de l'argent liquide, des armes, des lingots d'or. Trois hommes sont arrêtés, dont Jean-Pierre Jourda, qui aurait participé au braquage de l'armurerie de Carmaux dans le Tarn. Deux heures plus tard, de l'autre côté des Pyrénées, à Toulouse, les gendarmes du pays de G forcent une porte et interpellent un quatrième individu qui serait impliqué dans l'enlèvement de Michel B. Ils saisissent aussi des armes et de l'argent. Mais un suspect manque à l'appel. François Décline, le braqueur récidiviste de l'armurerie de Carbo qui a échappé au coup de filet franco-espagnol. Imprudent, c'est en rendant visite à ses acolytes en planque, à Marbella, qu'il a été arrêté dans l'après-midi. Mais toutes ces arrestations ne sonnent pas à la fin de l'enquête. Beaucoup des sommes extorquées à Michel se sont évaporées. Sinistre rebondissement, Jean-Pierre Jourdain est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Gradignan. Pour certains, une tentative d'évasion qui aurait mal tourné. En mars 2017, un an et demi après l'arrestation des quatre malfrats, nouveau coup de théâtre. C'est une nouvelle partie de la rançon qui a été retrouvée hier dans la banlieue est toulousaine. Les lingots d'or d'une valeur de 350 000 euros étaient cachés sur le lieu de résidence du frère de l'un des cerveaux présumés de l'opération de séquestration. Quatre individus avaient d'abord été interpellés en 2015 en Espagne. Le décryptage de données informatiques a permis d'élargir le cercle des suspects. Plus récemment, ils avaient été reconnus sur les images de ce braquage d'une armurerie à Carmo, dont les armes ont été retrouvées en Espagne. D'autres éléments recueillis par les enquêteurs laissent à penser qu'un autre enlèvement pouvait être en préparation. La rançon que la victime a elle-même payée à ses bourreaux est retrouvée à Saint-Orens-de-Gameville, en banlieue toulousaine, dans une écurie. Après une chasse au trésor de 48 heures et 18 mois de recherche du reliquat de la rançon, les enquêteurs retrouvent dans trois petites caisses 9 kilos d'or. Le 17 juin 2019, le procès du road trip crapuleux s'ouvre devant les assises de Bordeaux. Un éloignement géographique dû à la juridiction interrégionale spécialisée dans le grand banditisme qui a été saisie dès juillet 2015. Dissimulé derrière ses lunettes de soleil, chemise bleu clair, c'est un Michel B. tétanisé qui passe le portique de sécurité et qui s'apprête à faire face à trois de ses geôliers dont il ne connaissait que la voix pendant cette semaine. Comme l'explique son avocat, maître Laurent Boguet, au micro de France Bleu Occitanie. Chaque bruit lui inspire un moment de terreur. Il regarde toujours derrière son épaule. Il a peur, effectivement, que des gens viennent lui faire payer son comportement. Cette forme de trahison par rapport à ce qu'exigeaient de lui ses ravisseurs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour lui de dépasser. Il s'est fait aider. Mais je crois que les limites de la science médicale, c'est celle tout simplement du retentissement psychiatrique, du syndrome de stress post-traumatique. Pendant deux semaines, la victime revit l'horreur de ses 53 jours de séquestration, alors qu'à la raspo, cerveau présumé du rapt, amuse la galerie avec son accent chantant du sud-ouest et accuse Michel de n'être qu'un complice qui aurait voulu lui aussi s'enrichir. Cette rocambolesque histoire de kidnapping n'est qu'une mascarade lui permettant de se dédouaner. Raspo nie tous les faits qui lui sont reprochés, cite Pascal, explique s'intéresser au bouddhisme, clame qu'il veut aider les autres pour un monde meilleur. « On était une bande de copains », déclare-t-il, tranquille. Les yeux embués de larmes, le témoignage de la compagne de Michel est très loin des blagues potages de Raspo. Pendant 90 minutes, elle est cuisinée par l'avocat de l'accusation. Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte ? Elle explique qu'elle est rongée depuis 5 ans par le regret de ne pas avoir réagi plus tôt, justement. Un expert psychologue réputé a rencontré deux fois la victime et il décrit une emprise psychologique savamment organisée. Michel B. aurait été confronté à une véritable angoisse de mort et même quand Jourdain, son ravisseur, se suicide en cellule, il culpabilise. Une semaine après le premier jour d'audience, le 21 juin, la cour découvre le travail d'un expert en informatique qui a déniché dans l'ordinateur les cartes SIM et les disques durs de la bande d'Alain Raspo. Une mine d'or. Exit le jargon informatique qui fait habituellement se vider les salles d'assises. Non, là l'expert présente un rapport accablant de 19 pages tapé sur un logiciel de traitement de texte qui détaille l'enlèvement étape après étape. On peut y lire, par exemple. On autofinance l'opération au fur et à mesure qu'on le ponctionne. Il est possible d'acheter des diamants petits carats et de se les faire expédier par courrier postal. Se renseigner. Mais l'expert dévoile également à la cour des enregistrements sonores qui mêlent des briefings entre malfrats, discours d'autocongratulation et vidéos. L'enlèvement a même été baptisé par le quintet, son nom Opération Condor. Atterré, la cour entend Raspo se féliciter d'avoir mangé le cerveau de Michel. J'ai passé 2 ans à travailler sur la cible. À Rosas, au moins 6 fois tu m'as dit « Celui-là on le tue, celui-là on le tue ». Alors que j'ai bien expliqué dès le début qu'il fallait jouer l'évitement, la discrétion, la fluidité. Si on commence à tuer les gens les uns derrière les autres, on va pas se faire oublier. Vous n'imaginez pas mon potentiel. J'ai une force et une énergie sans limite. Le 27 juin, après 6 heures de délibéré, la cour condamne Alain Raspeau et François Desclines, qui a refusé de se présenter à l'audience, à 30 ans de prison. Andreitz à 15 ans. Raspeau, le cerveau, soutient coûte que coûte sa version des faits. Et il va faire appel. L'audience se tiendra dans le courant de l'année 2020. De son côté, Michel Bay souhaite plus que tout revenir à l'anonymat. Comme un clin d'œil sinistre, il a récupéré le camping-car, sa prison sur roues, achetée avec sa carte bancaire en Espagne. Cette histoire-là restera une parenthèse dans ma vie, conclura-t-il. Tout le contraire d'une parenthèse enchantée. Ma maison, elle n'a pas de sous-sol. C'était pas possible, hein, d'avoir un sous-sol, car la cuisine, j'avais pas beaucoup de place, alors elle est petite, mais fonctionnelle. En tout cas, elle réserve plein de bonnes surprises. Par exemple, hier, j'ai ouvert un tiroir et j'ai découvert la baie vitrée. C'est incroyable, elle est magique. Un jour, tu manges des pâtes devant les Pyrénées. Et le lendemain, tu peux manger des huîtres devant des... Il y a pas mal de gens, en discutant, j'ai l'impression qu'ils aimeraient être à ma place. Ça peut faire rêver d'avoir la même maison. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Road trip crapuleux en Espagne. Une histoire dont nous allons parler maintenant avec notre invité Jean Coadon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, journaliste à Toulouse pour le quotidien régional La Dépêche. Vous êtes spécialisé police-justice. Vous avez entre autres couvert l'affaire Mohamed Merah pour ce journal et vous avez enquêté donc sur l'enlèvement de Michel Bay, appelons-le comme ça, et suivi le procès qui s'est tenu en juin 2019. La première question que l'on se pose dans cette histoire, c'est pourquoi avoir choisi cet homme-là Certes, il est riche, c'est évident qu'il allait, ils allaient choisir quelqu'un de riche, mais est-ce qu'il a d'autres ont ce profil-là? Pourquoi lui? C'est une question dont on ignore la réponse, en fait. C'est une des rares questions, d'ailleurs, dans ce dossier qui reste assez flou. Mmh. Comment ont-ils repéré cet homme qui, en effet, est riche, qui se présente comme un simple agriculteur et qui n'a pas du tout la vie de quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Donc les gendarmes de la section recherche de Toulouse qui ont travaillé sur cet enlèvement pensent qu'en fait, la victime a croisé un proche de Raspeau. Ils avaient des soupçons sur son beau-frère, éventuellement son frère, ils n'ont jamais pu le démontrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont choisi une victime après une longue surveillance. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est un long travail de préparation. Ce coup, c'est une histoire de plusieurs semaines. C'est-à-dire pendant des jours et des jours, ils ont surveillé cet homme, ils l'ont filmé, ils ont surveillé son entourage. Ils savaient beaucoup de choses de lui avant même de l'enlever. Mmh. Vous avez suivi et couvert pas mal de faits divers, enfin ce qu'on appelle des faits divers, des affaires judiciaires pour la Dépêche. En quoi celle-ci est-elle inédite, si elle l'est d'ailleurs? Elle est totalement inédite parce que vous avez cité le baron Ampin. Dans l'histoire criminelle française, il y a assez peu d'enlèvements. Et des enlèvements comme celui-là, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a été enlevé pendant 7 semaines, loin de chez lui, et qui, libéré, au bout de 4 jours, fait un virement de plus de 500 000 euros à ses ravisseurs. Vous l'avez dit, ils l'ont complètement conditionné pendant ces 7 semaines. Toute cette organisation, quand on y repense de manière calme, est assez insensée. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont ils l'ont traité? Ce qu'on sait, on l'a dit dans le récit, mais au-delà, comment se passaient les journées? Quel rapport il avait avec eux? Il avait peur, c'est normal, il avait peur de la situation dans laquelle il était. On parle plus ou moins de syndrome de Stockholm, plus ou moins, avec prudence. Oui, mais un début, quand on commence à presque pactiser avec ses ravisseurs, quand on commence à comprendre leur motivation, se dire finalement ils me traitent bien, on a ce syndrome. Bref, c'était quoi ces journées-là pendant combien de jours exactement? Parce que j'ai dit 63. C'est 52 jours. 52. En fait, voilà. Il est enlevé le 21 mai. Et il est relâché à Marbella le 12 juillet. Ouais, la soupe. Donc c'est quand même 7 semaines. 7 semaines, oui. Et il a passé les premières journées ont été épouvantables puisqu'il a été d'abord caché dans un garage, dans une maison qu'ils avaient repérée, où d'ailleurs les gendarmes ont retrouvé les ADN de François Desclines et d'Alain Raspeau. Et puis ensuite, ils l'ont transporté en Espagne. Ils ont vidé sa maison. C'est-à-dire qu'il faut quand même être assez confiant dans ses moyens pour aller chez une victime, récupérer en quelque sorte sa vie, ses dossiers, ses comptes bancaires, quelques valeurs des armes. Et tout ça en lui racontant, vous l'avez évoqué, une histoire complètement rocambolesque. En tout cas, aujourd'hui, on la considère comme ça, mais la victime, elle, à un moment, elle s'est demandé si elle était un peu folle quand on lui expliquait que c'était un dangereux financier du terrorisme. Oui, c'est ça, un financier. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que petit à petit, tout s'est mis en place. Ils ont mis énormément de pression sur cet homme au départ. Ils l'ont relâché petit à petit. Il me l'avait dit dans l'interview qu'on avait fait juste après les faits, enfin quelques semaines après les faits. Mmh. À partir du moment où l'or est arrivé, les choses se sont arrangées. C'est-à-dire que le coup marchait et du coup ça s'est un peu détendu. Mais il a quand même passé des journées entières attaché à un radiateur. Il entendait celui qu'il appelle le méchant dire qu'il fallait le tuer, qu'il fallait l'éliminer. Enfin, c'est quand même un conditionnement psychologique qui est terrible. Et ce qui est fou dans ce dossier, c'est que tout ça, on en a la preuve, puisque ça a été enregistré par Alain Raspeau. Mmh. Et qu'est-ce que vous a dit? Vous l'avez vu quelques semaines après, 3 mois, c'est ça? Je l'ai vu fin septembre, mmh. Donc ça faisait un peu plus de 2 mois qu'il était libéré. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. comment ça s'est passé. Je suivais cette affaire depuis déjà un mois, puisque j'ai été au courant de ce qui se passait fin août, quand les gendarmes et les policiers, puisqu'ils travaillaient ensemble, n'avaient pas encore interpellé les suspects en Espagne, et qu'ils étaient inquiets de fuite possible dans la presse. Donc, moi, j'étais impatient de le rencontrer, mais j'ai rencontré quelqu'un qui ne voulait pas parler au départ, était terrorisé, je pense qu'il l'est encore un petit peu, et qui a mis du temps à se confier parce que il avait peur que le moindre mot soit interprété par les ravisseurs ou par leurs complices. Et en fait, il avait peur de mourir. Clairement, il le dit dans l'interview. Il a pensé à la mort souvent. Et quand il rentre à Toulouse mi-juillet, il ne parle pas parce qu'il a peur. Il est convaincu qu'on le surveille. Ce qui est possible, puisqu'on sait aujourd'hui que un des complices, André Heinz, était à Toulouse et le surveillait un petit peu. Il était absolument convaincu que son téléphone, ses ordinateurs étaient piégés. Donc, il pensait que quelqu'un était, qu'à tout moment, on pouvait l'éliminer. Alors, on va parler un peu des ravisseurs maintenant. Les médias ont parlé de Raspo comme de la tête pensante, du cerveau de cet enlèvement. C'est vrai que ce truand a un lourd passé judiciaire, en particulier en 88. Quel est son profil? C'est un profil d'un homme qui aujourd'hui a 60 ans et qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Ses premières condamnations, il avait pas encore 20 ans. Et surtout, alors il a été condamné à une peine importante devant la cour d'assises de l'Aude pour des vols à main armée. Et assez curieusement, il a oublié de revenir d'une permission de sortie en 88, à l'été 88, 3 semaines avant sa libération. C'est assez étonnant, mais il a expliqué ça, je pense que, enfin, là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui, c'est pas toujours très crédible ce qu'il raconte, mais il a expliqué lors du procès qu'il était à l'époque en révolte absolue et que donc il a même pas réfléchi. On lui a ouvert la porte, il est jamais revenu. Sauf qu'en août 88, sur un vol à main armée dans une bijouterie à Perpignan, il a tué 2 policiers pratiquement à bout portant. Et à partir de là, il a été rearrêté, recondamné à perpétuité. Et la peine a été très très longue. Et heureusement que Michel, la victime, n'a pas connu le profil de ses ravisseurs, parce que je pense que ça lui aurait fait encore plus peur. Alors ça, c'est un élément qui est... on sait, vous l'avez expliqué, que dans le cas du braquage de Carmo, en fait, les policiers de la PJ toulousaine pensaient que Raspo était mêlé à ce braquage. Ils l'avaient confondu, en fait, avec Jourda. Et quand il est arrêté parce qu'il y a un mandat d'arrêt, Alain Raspo, bon, va s'arranger, sans doute un peu donner quelques éléments aux policiers pour que il soit présenté au juge, mais qu'il ne soit pas incarcéré. Donc, de manière assez surprenante, il ressort libre du palais de justice de Toulouse à une époque où personne ne sait que Michel, la victime, a été enlevée. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a, dans la fouille de Raspo, il y a des cartes bancaires, des clés qui appartiennent à la victime, mais personne ne sait que cette victime a disparu. Les policiers ne s'en apercevront que plus tard. Ils auraient pu lui demander quand même quel était le rapport avec cette carte bleue. Qui est ce monsieur? Vous le connaissez? Certains grands anciens tremblent quand on leur raconte cette histoire. Bah oui. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que si Alain Raspo est incarcéré au mois de juin à Toulouse dans une affaire criminelle, puisqu'on parle d'un vol avec arme, dans une armurerie où des policiers ont été blessés, est-ce que ça n'aurait pas été la fin de la victime? On peut se poser la question. Bien sûr. Et en fait, craignant ça, Alain Raspo, quand il libère la victime en juillet à Marbella, il lui donne une espèce de feuille de route. Et sur cette feuille de route, il y a le nom d'Alain Raspo et il dit, il sait pas qui est Alain Raspo, mais si on te parle d'Alain Raspo, voilà ce que tu dois raconter. Tu lui as prêté son appartement, etc. Et en fait, c'est que ce mot, ce nom, cette identité va faire le lien entre les deux dossiers, puisque fin juillet, pressé par son banquier, pressé par sa compagne, il finit à demi-mot par raconter ce qui lui est arrivé. L'enquête se déclenche côté gendarmerie, et là, assez vite, les enquêteurs de la gendarmerie et de la police judiciaire vont se rendre compte que finalement, ils travaillent sur la même personne. C'est comme ça que le lien se fait à travers Alain Raspo. Il fallait qu'il y ait le croisement des deux enquêtes parallèles. Tout à fait. Alors, à la différence de l'affaire du baron Empain, vous le répétiez à juste titre tout à l'heure, la victime, là, dans cette histoire, a payé sa propre rançon, a financé sa libération. C'est pour ça que cette affaire est inédite. On va écouter l'avocat de Michel, maître Laurent Boguet, que nous avons interviewé à ce sujet. Ce dossier présente une dimension inédite compte tenu des méthodes du mode opératoire que les kidnappeurs et les ravisseurs ont pu déployer. J'ai presque envie de dire qu'on est en présence d'une affaire de séquestration 3.0. Tout passe par la contrainte physique, puisqu'on subtilise à la vue de son entourage la victime, et ensuite on va progressivement s'immiscer dans son existence et se substituer à son identité par voie de messages électroniques, par communication internet. Le phénomène d'emprise mentale, c'est ce qui caractérise effectivement toutes les affaires de kidnapping et de séquestration. Et là, j'ai presque envie de dire qu'on se trouve dans un cas d'école, parce que on a établi une analogie avec la durée de séquestration qui avait été imposée dans les années 70-80 au baron Empain. Et c'est vrai que cette victime-là va sortir des écrans radars pendant près de 8 semaines. Donc c'est considérable en termes de durée. Et c'est vrai que la technique qui est employée par les ravisseurs, et d'ailleurs ils s'en vantent hein, au niveau des échanges en interne qui ont été révélés dans le cadre de l'instruction de ce dossier devant la cour d'assises, ces gens se vantent d'exercer une emprise psychologique qui oscille entre la notion de peur, de terreur, et également la notion de reconnaissance. On est donc aux frontières d'un état de dépendance complet et d'un syndrome de Stockholm qui commence à naître, puisque à chaque fois qu'un des ravisseurs est en capacité de se comporter de manière un peu plus altruiste que ses camarades, la victime qui craint la mort à tout moment exprime une forme de reconnaissance inconsciente. La singularité de ce dossier, c'est que on demande à la victime d'être son propre libérateur. Là, ce qui est demandé à cette victime, c'est d'accomplir des actes positifs, de vider lui-même ses comptes au profit de ses ravisseurs. Et donc, si vous voulez, il n'y a plus de sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que vous culpabilisez et vous vous inquiétez de ce que vous avez à faire parce que vous finissez par comprendre que votre survie dépend de votre soumission et de l'exécution des ordres qui vous sont donnés. Jean, quoi donc, ça renvoie à ce que nous disions en début d'émission hein, sur l'emprise et sur le côté inédit de cette affaire. Alors, l'avocat insiste sur le côté scénario. Il y a deux méchants et un gentil. Enfin, donc il joue ce rôle-là assez, alors entre guillemets, assez bien vu dans l'imagination et la machination et la perversité, parce qu'effectivement le gentil peut faire croire à l'otage que va pas se faire tuer, que si lui-même est gentil, il donne de l'argent, ça passera. Puis les méchants sont là pour lui rappeler que on rigole pas, quoi. Oui, c'est un phénomène, enfin, une méthode assez classique. Là, elle est poussée vraiment à son extrême. Dans l'interview qu'il nous avait accordée en septembre 2015, la victime évoquait les parties d'échecs. Oui. Et à un moment, il dit je pensais gagner, mais j'osais pas. Je pouvais gagner, mais je voulais pas. J'avais trop peur. C'est-à-dire que il était tellement dans la contrainte qu'il imaginait tout, et c'est pour ça que pendant des semaines, à son retour, il n'a parlé à personne. Tout le monde, c'est le banquier en fait qui a donné l'alerte, puis son ami, sa compagne avec qui il partage sa vie depuis maintenant 14 ans, qui sentait bien que quelque chose n'allait pas, qui est allé voir les gendarmes après le banquier, mais lui, il voulait pas parler. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'il soit enfin entendu, y compris pour essayer de lui faire comprendre que ce qu'il était nécessaire qu'il parle. Les gendarmes l'ont amené devant un juge d'instruction à Bordeaux, à la GIRS, et quand le juge a eu fini de s'introduire, de discuter avec lui, il a rappelé les gendarmes en son bureau, et il leur a dit, vous êtes en train de vous moquer de moi, ce type n'a pas été enlevé, il y croyait pas. Tellement la victime, affolée, inquiète des possibles répercussions, ne voulait pas parler et ne disait pas ce qui s'était réellement passé. Alors, qu'ils ne disent pas ce qui s'est réellement passé, c'est effectivement tout à fait étonnant qu'ils ne disent pas ce qui se passe au moment où ça se passe. Alors là, on comprend bien pourquoi, mais on comprend moins pourquoi ses amis, sa famille ne sonnent pas l'alerte générale en disant « ça fait une semaine qu'on l'a pas vu, on n'a pas de nouvelles, enfin c'est pas possible ». Est-ce qu'il vivait avec sa compagne ? Alors, ils avaient une vie, ils vivaient ensemble sans vivre ensemble. Ils avaient chacun leur domicile. C'est pas un couple classique, ils ont chacun leur domicile. De temps en temps, ils sont ensemble, pas tout le temps. Mais moi, j'oublierai pas cette jeune femme qui a témoigné à Bordeaux, qui, bien sûr, logiquement, a été un peu secouée par la défense sur le thème, enfin, madame, comment vous vous êtes aperçue de rien. Mais elle était, et elle l'est encore, je pense, profondément marquée par le fait qu'elle n'a pas compris. Qu'elle n'a pas compris que, finalement, les explications que lui donnait cet homme, elles étaient totalement fausses. Et que, elle, quand elle avait le sentiment qu'il l'a repoussée, que peut-être il l'a trompée, en fait, il était complètement démuni et qu'il était anéanti par les angoisses de mort. Et cette femme, elle s'en veut encore, elle l'a dit devant les jurés, devant la cour d'assises de la Gironde. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas été capable de comprendre plus vite. Voilà. Et elle s'en veut beaucoup. Je pense que c'est tellement inhabituel. Il faut quand même savoir que tous les jours, il devait répondre à des mails, il devait envoyer des messages, il répondait des fois au téléphone avec quelqu'un qui était devant lui avec une arme, prêt à lui tirer dessus si il disait n'importe quoi. Donc on est dans un contexte de contrainte extrême et très particulier. Voilà. Et pour la famille, enfin pour cette femme, parce qu'en fait la victime n'a pas de famille autour de lui, il n'y a personne à part cette femme et son fils. Et c'était très très difficile, quand ils ont compris ce qui s'était passé, d'accepter d'être passé à côté. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde autour de cet homme, de cette victime, est peut-être entré dans les plans aussi des ravisseurs. Moi, je pense qu'en effet, que dans les surveillances qu'ils ont menées pendant plusieurs semaines, ça a pu faire pencher la balance. Ça, on le sait pas, puisque Alain Raspot nous explique que tout ça, c'est un coup monté, que la victime était au courant. Alors, comment donc, est-ce qu'il l'a dit au procès? Ah oui, mais le procès était terrible pour ça. C'est-à-dire que, pour la victime, pour sa compagne, ce rendez-vous était important. On vous l'avait dit, il n'avait jamais vu ses ravisseurs. Il l'avait vu lors de l'instruction, mais il ne connaissait que les voix. Et d'entendre Alain Raspot expliquer d'une manière très froide, de pas parler de la victime, dire mon ami, expliquer que tout ça était un coup monté. Alors bien sûr, ça résiste pas à l'analyse. Bien sûr qu'un homme qui a beaucoup d'argent, de manière honnête, il a aucun intérêt à sortir de l'argent de manière malhonnête pour acheter d'autres terrains. Ça a pas de sens. Sauf que Alain Raspot, très calme, explique si, tout était prévu, c'est un coup monté, tout était prévu. Enfin, c'est avec lui que j'ai monté cette affaire. Je pense que pour la victime, ça a été encore plus douloureux. Mais oui, bien sûr. Même si aussi bien que la victime que sa compagne ont su dire à la barre que tout ça, c'était vraiment n'importe quoi. Oui, il est sorti de ses gonds quand même, j'imagine. Pas la victime. Pas tellement. Non. Vous savez, cet homme, on essaye de s'imaginer comment on peut être après cette semaine de séquestration, et quand on est face au juge, face aux auteurs de l'enlèvement, comment on peut réagir? Lui, il avait un côté un peu désabusé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que jusqu'au bout, ces ravisseurs expliquent, enfin en tout cas, celui qui est considéré comme le chef des ravisseurs, explique que tout ça était un coup monté avec la victime. Alors ce Raspot là, il a fait appel. Ça peut paraître étonnant, parce qu'il est le cerveau de cet acte qui va au-delà de la malveillance, un acte criminel, hein, une séquestration. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il espère? Écoutez, celui qui peut le dire, il est dans une certaine logique. Il dit non, tout ça c'est un coup monté, moi j'y suis pour rien. Sauf que tous les éléments démontrent le contraire, notamment les fameux enregistrements que vous avez évoqués, qui sont terribles. Ouais. Leur diffusion dans la cour d'assises, bien sûr, ça fait quand même un effet. Voilà, parce que quand il explique « je lui ai mangé le cerveau », quand on regarde les jurés, ils se disent « mais c'est qui cet homme ?» Donc, il essaye d'aller au bout et d'avoir un deuxième procès. En revanche, le deuxième procès, il y a une interrogation, c'est François Desclines. Devant la cour d'assises de la Gironde, il a refusé de comparaître. Oui. A priori, il serait prêt à s'expliquer. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais expliqué, ni sur l'affaire de l'enlèvement, ni sur le braquage de Carmo, oui, qui est une affaire à part, hein, qui est jugée à part. Et ça peut être intéressant. D'accord. Et juste alors, la date, il y a une date prévue ou pas? Juste oui, la date. C'est fin juin, 29 juin de cette année. Juillet, la dernière semaine de juin. Très bien. Et c'est devant la cour d'assises des Charentes à Angoulême. Très bien. Merci infiniment, Jean Coadon, pour tous les éclairages que vous nous avez apportés concernant cette histoire que vous avez couverte en tant que journaliste. Merci, au revoir. Au revoir.